gonna go. Il a façonné tel Frankenstein. Il l'a conçu dans son laboratoire. C'est une fille, la fille parfaite, idéale. Une qu'il enverra plus jamais balader. Ce soir fatigué, demain arrêté. Et lui toujours là, comme un comadon. Comme un con, ah, ah, ah, ah. Petite poupée, docile, fragile. Tu sais tous les deux, pas la peine de réfléchir. Tu sais tous les deux, on est là pour le plaisir. Tu sais tous les deux, plaisir, pas réfléchir.